Bonjour et bienvenue en 2030 glorieuse. Je m'appelle Julien Vidal, je suis le fondateur du mouvement Ça commence par moi. À travers ce podcast, je pars à la rencontre des acteurs du monde de demain. Ils incarnent les utopies réalistes dont nous avons tant besoin. Ce sont des bâtisseurs, des idéalistes, des empêcheurs de tourner en rond, des personnes à l'écoute du vivant et d'eux-mêmes qui ont décidé de se mettre au service d'une cause qui les dépasse, celle de la création d'une société plus égalitaire, plus durable et plus heureuse. Ils sont des milliers en France à agir concrètement pour montrer que l'action est le meilleur remède contre le fatalisme et que, si nous agissons avec ambition et amour, la décennie des 2030 glorieuses est à portée de main. Bonne écoute. Bonjour, bonjour. Ensemble, on va parler du pouvoir des utopies. Si j'organise ce live, c'est dans le cadre des 2030 glorieuses. C'est cette époque dans laquelle je vis actuellement. Non pas pour échapper au présent absolument morose, mais au contraire pour y trouver l'énergie, pour y trouver l'inspiration, pour y trouver des caps, pour transformer dès aujourd'hui ce futur. Et donc, il y a le podcast de 2030 Glorieux, ça fait depuis un an et demi que je mets en avant celles et ceux qui font le monde de demain, notamment à travers des métiers qui sont aujourd'hui encore uniques et qui vont largement être normalisés dans la société de demain. Aujourd'hui, nous sommes donc, je vous le disais, avec Sandrine Roudeau. Nous, ça fait pas mal de temps qu'on se croise. Ça fait pas mal de temps que j'ai le plaisir d'assister à des interventions, puisque tu es perspectiviste, tu es auteur de plusieurs essais sur notamment le sujet de l'utopie, avec, pour pas écorcher le titre, je me le suis noté, c'est l'utopie mode d'emploi, également suspendu, que j'ai pas eu le plaisir d'avoir entre les mains. Tu as aussi récemment sorti un roman qui s'intitule « Les déliés » que lui, j'ai eu le plaisir d'avoir entre les mains et que je recommande aujourd'hui à tout le monde, qui est vraiment un voyage extraordinaire dans ces deux mains qui chantent, qui sont chaotiques, rugueux aussi. On aura peut-être l'occasion d'en parler. Et tu as une autre casquette, puisque tu es aussi la cofondatrice de La Mer Salée. La Mer Salée, c'est une maison d'édition qui permet d'être comme ça un véhicule, un porte-voix de toutes celles et ceux qui proposent de transformer le monde à travers le pouvoir de ces utopies, de ces récits. Merci d'être avec nous, Sandrine. Et ma première question, c'est pourquoi tu es ici? Pourquoi tu as accepté d'être la marraine du guide des conversations? Ah ouais, ouais. Tu aurais dû me dire les questions avant. Non. C'est un diesel, moi, tu sais, pour que je me lance. Mais oui, tant mieux. En fait, j'ai accepté parce que moi, l'utopie, ça m'est tombé dessus il y a quelques temps, on va en reparler tout à l'heure, mais je suis convaincue que c'est comme ça qu'on peut changer le monde. C'est techniquement que je suis convaincue par l'utopie. Et c'est vrai que maintenant, on commence beaucoup à en parler. Et je fais très, très attention à ne pas aller partout où c'est un peu la tarte à la crème parce que, oh là là, la vie est triste et hop, on va vous mettre un petit coup d'utopie. Et puis, ni une ni deux, en fait, on va aller regarder. Enfin, ça peut être une façon de fuir la réalité. En tout cas, de la manière dont certains en parlent. Et en même temps, on se connaît bien. Donc, quand tu m'as appelé, ça m'a interpellée, parce que je sais que tu es quelqu'un de très, très pragmatique. Et comment est-ce qu'on transforme, en fait, les choses? Moi, j'ai travaillé sur les freins au changement et je pense que c'est vraiment une façon de lever les freins. Et que j'espère que d'autres vont pouvoir s'en emparer et faire ça dans leur coin et voilà, faire émerger des choses, quoi. L'idée, c'est vraiment de pouvoir voyager dans ces 2030 glorieuses. Moi, j'appelle ça les 2030 glorieuses. Je sais que d'autres personnes que tu côtoies, je pense notamment à Mathieu Baudin et toute son équipe, préfèrent voyager directement en 2040. Mais bon, voilà, cette idée de 2030 me plaît bien. C'est à la fois très loin et à la fois demain. Et c'est cette idée de pouvoir offrir ce voyage qui est pour moi le voyage le plus dépaysant et en même temps le voyage le plus écologique qu'on fera jamais. Tu l'as dit, Sandrine, les utopies, c'est quelque chose que tu explores depuis longtemps. Tu sais leur pouvoir sur l'évolution du monde. J'ai l'impression que c'est presque un peu comme Obélix. Ça fait longtemps que je creuses le sujet. Et je pense que même ça doit te faire presque bizarre de voir à quel point cette question des récits, cette question de l'utopie, elle est de plus en plus abordée, alors que. En fait, j'ai fait un grand détour pour y revenir, parce qu'en fait, quand on est enfant, on le sait ça. On le sait, on sait qu'on peut tout être, on sait que rien n'est écrit, et on s'autorise en fait à imaginer qu'on sera avocat, à imaginer que le monde sera de telle manière, etc. Et puis, en grandissant, et moi j'ai eu un dirigeant comme ça qui m'a dit ça une fois, quoi, je pose toujours la question, alors qu'est-ce que ça vous évoque l'utopie, histoire d'avoir tout le côté bisounours, irréaliste, etc. Et il y a un dirigeant une fois qui me dit, quand j'étais petit, je pensais, quand j'étais, ouais, quand j'étais petit, je me disais que c'était hyper positif, et en fait en grandissant, j'ai compris que c'était négatif. C'est affreux. C'est-à-dire que toute la société, l'éducation, etc., vient en fait te saboter dans ta puissance créatrice et dans ce truc qui est une vérité, qui est que rien n'est écrit, que tout peut arriver et que nous pouvons tout être du jour au lendemain, quoi. Et donc il y a vraiment ce. Donc finalement, moi j'ai mis de côté comme beaucoup de gens qu'on traite de trop idéaliste, de trop impliqué, de trop engagé, ben. En fait, tu le mets un peu sous le pied, quoi. Et en fait, c'est quand j'ai voulu techniquement, pragmatiquement, comprendre comment étaient faites nos têtes et pourquoi on ne changeait pas alors qu'on sait tout un tas de choses, que je suis revenue à l'utopie, en fait. Donc c'est vraiment pour des raisons pragmatiques et techniques. Je me suis dit, ben, en fait, voilà, il y a ces freins-là, le sentiment d'impuissance, la peur, la culpabilité, même si elle est inconsciente, voilà, toutes ces choses-là. Finalement, la seule façon de les surmonter, ce sont de mettre d'autres émotions en face, d'autres cadres de pensée en face. Et quand tu les mets tous bout à bout, tu dis, mais en fait, ça existe ce truc. C'est l'utopie. Et en fait, c'est deux choses, hein. Se poser des objectifs radicaux, dire, voilà, imaginer quelque chose qui n'existe pas encore. Et après, être extrêmement ouvert sur les moyens d'y arriver. J'essaie de faire des réponses courtes. Parce que je sais que tu peux dire tellement d'autres choses et en même temps, je suis content d'essayer de te faire sortir un peu des réponses que tu as l'habitude de faire, mais quand même, j'aimerais t'entendre un tout petit peu plus longuement, justement, sur cette nécessité de voyager dans le futur pour énergiser et orienter différemment notre présent. Pourquoi ces voyages, ils sont essentiels? Qu'est-ce qu'on y trouve? Alors, c'est des voyages dans le futur, mais je dirais c'est des voyages dans notre intuition, en fait. C'est-à-dire que pour moi, il y a quelque chose vraiment de très fort, c'est que les utopistes sont des gens qui sont clairvoyants, c'est-à-dire qui sont capables de voir par-delà le présent. Ils sont capables de voir ce qui sera là demain. Donc, en fait, c'est vraiment c'est des gens qui sont extrêmement lucides sur deux choses, à la fois sur ce qui est insoutenable dans ce monde. Donc, c'est vraiment une intuition profonde. Et en même temps, qui sont très lucides sur ce qui est important pour eux, donc sur leurs valeurs. Et en fait, c'est ça. Donc c'est effectivement un voyage dans le futur, mais c'est un voyage dans le futur tel que nous voulons le voir advenir. C'est-à-dire qu'on part de nos désirs, de nos valeurs, et c'est ce futur-là qu'on va créer. Donc en fait, il y a vraiment ce truc-là. Alors, je parle souvent, hein, de toutes les utopies, que ce soit le vote des femmes, peu importe. Les filles, elles sont parties de cette intuition profonde. Demain, nous voterons. Parce qu'il est légitime que nous votions comme les autres. Donc, il n'y a pas à négocier cette histoire. Demain, ça sera le cas. Et donc, on va tout faire pour faire advenir ce futur-là. Et c'est ça, en fait, qui donne la force aux utopistes, c'est que pour eux, c'est non négociable parce que c'est légitime, parce que c'est le monde dans lequel ils ont envie de vivre. C'est ce monde-là qu'ils ont envie de léguer. Et en fait, c'est ça qui donne une force énorme. C'est-à-dire que ben, ça, tu vois, tu peux pas. Les gens qui, par exemple, sont très, très, qui défendent la cause animale, pour eux, c'est une évidence. Demain, nous ne mangerons plus d'animaux. Voilà. Et ben, ça leur donne effectivement. En fait, ça nous, c'est des choses qui nous dépassent, quoi. Et donc, c'est cet élan-là qui est plus fort que nous, qui fait qu'on se met en mouvement. Et en fait, pourquoi les utopies sont si importantes? C'est que pour se mettre en mouvement, on a besoin d'émotions. Ce n'est pas du tout la raison qui nous met en mouvement. Parce que sinon, il y a bien longtemps qu'on serait mis en mouvement. Et en fait, dès lors d'ailleurs, quand tu commences à te dire, ah mais non, mais c'est une utopie, on n'y arrivera jamais, là, ça, c'est ton mental. C'est ta raison qui vient te dire et qui vient te casser Parce que ton cœur, ton intuition te dit, mais attends, ça c'est plus possible en fait, il faut qu'on se mette en mouvement. Sauf que tu as toute la raison là qui vient avec ses vieilles croyances, avec ses peurs, qui vient te rescotcher à ce que tu as toujours fait, qui certes n'est pas terrible, dont tu n'es pas très fier, mais que tu connais. Et donc en fait, c'est pour ça que c'est intéressant ce guide et ce voyage dans le futur, c'est que ça nous permet de voyager dans ce futur qu'on veut voir advenir sans risque. C'est-à-dire que voilà, on se projette, et dès qu'on se projette, et moi je le vois, tu vois, par le roman, depuis que j'ai écrit un roman, il y a vraiment des gens, en fait, c'est quand je pourrais presque dire, dans ce roman, il y a plein de choses que j'ai déjà dites dans des essais ou à des conférences, des choses comme ça. Sauf qu'une fois que c'est là, que tu le vois, ce futur-là, tu te dis, mais en fait, mais c'est possible, quoi. Pourquoi on ne le fait pas? Et on a besoin, en fait, de voyager effectivement dans notre monde, et c'est pour ça moi que je crois beaucoup à la fiction, ou que je crois à des expériences comme le guide de conversation utopiste. C'est que, ben en fait, et je me souviens très bien, hein, la première libraire qui m'a parlé de ce livre m'a dit, mais en fait, ce monde, on se dit, mais il a l'air bien en fait. Ben oui, c'est pas parce qu'il est frugal, parce qu'il est différent, qu'il n'est pas agréable à vivre, qu'il n'est pas apaisant. Donc en fait, mais ça, si je le dis comme ça, t'as ta petite raison qui va. Alors que si tu es dans l'émotion de on est entre potes, on imagine quelque chose, ou je suis toute seule avec mon roman, bah c'est pas le sujet en fait. Qu'est-ce que tu es en train de vivre? Est-ce que tu es en train de vivre est implacable? C'est possible. Et donc après, bah, tu n'as plus qu'à te mettre en mouvement, quoi. J'entends quand même cette intériorité qui doit prendre de la place dans voilà le d'assumer qui on est vraiment et d'arriver à se projeter et à la fois il y a un risque de tomber un peu soit dans cette manière de penser un peu auto-suggéré où on essaie de se convaincre où on tombe un peu dans le piège de la méthode Coué ou je sais pas comment le dire mais c'est en fait très stratégique ce que tu es en train de dire, c'est très organisé, c'est ce que dit Mathieu Baudin quand il dit qu'il faut prendre nos rêves et en faire des stratégies. C'est bien plus complexe que Après, c'est. dire j'y arriverai, j'y arriverai, j'y arriverai. Ah, mais c'est pas une méthode couée, en fait. C'est une évidence, quoi. C'est-à-dire que c'est vraiment ça. Les gens qui ont demandé l'abolition de l'esclavage, pour eux, c'était une évidence. Et c'est ça qui fait que peu importe que la majorité ne soit pas d'accord, parce qu'il faut bien comprendre que les utopistes sont des minorités, et que ce que vous allez faire avec le guide de conversation utopiste, et c'est ça qui est intéressant aussi, c'est de trouver ses alliés. Parce qu'on n'est pas très nombreux. En plus, on n'a pas tous les mêmes utopies. Il y en a qui vont s'occuper du zéro déchet, il y en a qui vont s'occuper d'autres choses. Parce que, encore une fois, cet élan, c'est-à-dire qu'on a un élan vers quelque chose. Voilà, il y a des gens, moi, mes copines, il y a 4-5 ans, quand je les voyais s'exciter sur le zéro déchet, je me disais, oh, bon, tu vois, moi j'étais sur autre chose, quoi. Et petit à petit, je me suis dit, ah ouais, non, mais en fait, chacun prend finalement à sa propre utopie. Et est en train de transformer une partie du monde. Et ça, c'est vachement important parce qu'en fait, on en prend tous un bout. C'est là où il faut respecter les utopies des autres. On est chacun en train d'essayer de faire avancer quelque chose. Il y en a, comme toi, par exemple, ça va être de montrer que d'autres métiers sont possibles. Et chacun va se dire, mais c'est ça le plus important. Des gens de la cause animale, ils vont te dire, mais c'est ça le plus important. Ceux qui défendent la cause des femmes et l'égalité radicale, ils vont te dire, si on n'est pas capable de défendre la cause des femmes, le reste n'a aucun sens. Ceux qui sont plus sur l'écologie ou le réchauffement climatique, ils vont te dire, mais attends, sans le réchauffement climatique, eh ben très bien, que chacun continue à croire que son utopie est la plus importante. Parce que c'est ça, c'est parce qu'on pense que c'est la plus importante qu'on se bat pour elle. Et en fait, ce qui se passe, c'est que le monde n'évolue pas avec des gens rationnels qui sont aux commandes et qui font évoluer le monde. Hein. Ce sont des minorités utopistes qui le font évoluer. Tu prends à peu près tout, parce que là on est en train de parler de changement de monde, donc d'enjeux importants, hein, c'est clair. C'est pour ça moi, que je parle de l'abolition de l'esclavage. C'était à l'époque, c'était remettre en cause tout le modèle économique. Donc les lobbies, bonjour, quoi. Bien sûr qu'il y en avait. Alors tu me diras, oui, mais on a aboli l'esclavage aussi parce qu'il y a un moment donné, on a eu la machine à vapeur et on l'a sorti des cartons. Oui, c'est vrai, mais les machines à vapeur, on en a plein. Il y a plein de gens qui ont déjà trouvé les solutions, il suffit de les mettre en place. Donc en fait, on a vraiment ce truc, mais il faut que des gens disent, nous allons abolir radicalement l'esclavage. Oui, c'est Et ça. quand tu commences à dire, va l'abolir un petit peu, hein. On va se faire un petit esclavage responsable ou une petite transition esclavagiste. Bah, la machine à vapeur, il y a de fortes chances pour qu'elle soit trop chère. Donc il y a un moment donné, on a besoin des deux. On a besoin des inventeurs et puis on a besoin de ceux qui vont le faire advenir parce qu'ils auront imposé d'autres valeurs, d'autres normes culturelles, d'autres normes sociales. Vraiment cette notion de, ouais, de changement de monde, quoi, de changement de vision. Et c'est comme ça que ça évolue. Et après, on oublie, hein. Pour nous, c'est une évidence. Enfin, ceux qui étaient hors la loi à l'époque, c'était les abolitionnistes, hein. Ce n'étaient pas les esclavagistes. Les esclavagistes, eux, ils étaient en haut de la pyramide. Et c'est la même chose pour tout. Enfin, tu prends les résistants pendant la guerre, tu prends. Et après, si tu prends les différentes utopies qui ont été réalisées, par exemple, tu prends la sécurité sociale, ce n'est pas venu d'un gouvernement, c'est venu d'abord du programme national de la résistance. C'est les résistants pendant la guerre qui l'ont imaginé. Et puis après, une fois que De Gaulle est arrivé au pouvoir, il l'a mis. Le droit de vote des femmes, ce sont des femmes, des suffragettes, notamment en Angleterre, qui l'ont, mais qui sont allées le chercher avec les dents, quoi, en fait. Le Sénat en France, ils l'ont mis 10 fois à l'ordre du jour sans jamais que ça passe. Donc, on a vraiment, en fait, le droit finit toujours par suivre. Mais c'est extrêmement rare que ce soit le système en place qui le fasse, parce que le système en place, il a beaucoup trop à perdre. Donc, en fait, c'est un peu. Mais ça, du coup, ça veut dire que les utopistes sont toujours en minorité. Et ça, il faut l'accepter. Jusqu'à. Et c'est là où c'est important, les nouveaux récits, c'est que. On a ces utopistes, en fait, ces minorités, qui soient des désobéissants, que ce soit des alternatifs, peu importe comment on les appelle, moi je les appelle les utopistes, mais peu importe. Ceux-là, ils ont besoin de. Ils se servent de deux émotions qui surmontent les freins au changement, le désir. Ils désirent cet autre monde. Pour eux, c'est. Voilà. Donc ça te fait évaluer la hauteur des obstacles. Si tu as vachement envie d'un autre monde, les obstacles, ça te semble mineur. Toi et moi, ça nous semble mineur. À d'autres gens, ça leur semblait, voilà, parce qu'on est à fond et qu'on a vraiment envie de ce monde-là. Donc, ce qui nous paraît rien pour d'autres, c'est infranchissable. Donc, on a besoin de ça, on a besoin de confiance pour surmonter les freins au changement. La confiance, elle se gagne dans l'action. C'est pour ça que les petits gestes sont intéressants. Les petits gestes, on ne sauvera pas le monde en arrêtant enfin, l'eau pendant qu'on se lave les dents, ça c'est clair. Ou avec des pailles en bambou, ça c'est très clair. Il faut arrêter de se rassurer avec ça. Par contre, ça nous permet de reprendre le contrôle sur notre vie petit à petit. Et donc, on reprend confiance sur le fait que, voilà, bah, on reprend le contrôle un petit peu. Et puis, en faisant ça, on trouve aussi ses alliés. Et on reprend confiance dans l'action et en étant avec les autres. Et c'est là où, parfois, il faut fuir les gens qui ne sont pas d'accord avec toi. Alors, on va parler d'entre-soi, mais moi, je trouve que ce n'est pas de l'entre-soi, c'est de l'avec soi. Il y a un moment donné, on a besoin de se faire du bien. Et si on n'est pas tous au même niveau de sensibilité écologique, eh bien, on se détruit tous les uns les autres. C'est-à-dire que ceux qui ne sont pas encore prêts, tu es en train de les culpabiliser pour rien, ça ne sert à rien, ils vont s'arc-bouter. Donc, tes grands discours, ou même ton attitude, tu n'es même pas en train de faire des discours, mais tu sors une bouteille de vin bio, déjà, tu les as énervés. Donc, ça ne sert à rien, tu es en train de les mettre dans un coin du ring, et eux, en plus, c'est pareil, ils ne te font pas du bien, ça te sabote. Donc, en fait, on a besoin, dans un premier temps aussi, d'être entre personnes qui ont les mêmes causes, quoi, même si on n'a pas tout à fait les mêmes styles de résistance, on va dire, et pour faire des choses. Et après, en fait, il y a un deuxième niveau, c'est-à-dire que on embarque des gens beaucoup plus largement quand ça devient une norme sociale. Donc ça, c'est le côté validation, c'est-à-dire qu'on a besoin normalement de validation. Par exemple, si l'État te dit il faut réduire le CO2, mais qu'eux, ils n'en ont rien à faire, bah, effectivement, la grande majorité de la population se dit, attends, c'est bon quoi, en fait. Enfin, moi, ce que je vais faire, ça va être une goutte d'eau, et eux, en plus, ils sont même pas, tu vois, ils ne montrent pas l'exemple, quoi. Donc ça, effectivement, on a besoin normalement de validation. Sauf cette petite minorité qui, pour elle, peu importe, eux, ils ont décidé de toute façon qu'ils iraient, donc peu importe. Mais il y a un moment donné, on a besoin que ça devienne les nouvelles normes sociales et culturelles, et c'est là où les nouveaux récits sont importants. C'est là où, effectivement, montrer des films, où on montre que, ben non, en fait, la frugalité, c'est pas être survivaliste tout seul dans son bunker, mais que ça peut être sympa. C'est là où on a besoin de nouveaux romans, où on a besoin de nouveaux films. Aujourd'hui, malheureusement, on n'en a pas. Le futur qu'on nous projette, c'est apocalyptique. Moi, c'est pour ça que je me suis mis à la fiction, hein, c'est parce que aucun roman, le futur, il est soit high-tech, sous surveillance, soit c'est l'apocalypse, quoi. Et c'est la même chose sur les séries télé, sur les films. Donc on a besoin de dire, regardez, l'autre monde dont on vous parle, il peut être chouette en fait. Il peut être vraiment chouette avec d'autres métiers, avec d'autres façons de vivre, avec mais on a besoin de les voir. Et donc il y a ça, c'est comme effectivement demain, mais il y a plein d'autres choses aussi. Il y a encore quelques années, effectivement, avoir une Rolex, c'était réussir sa vie. Aujourd'hui, quand t'as une voiture d'occasion, tu fais pas non plus le gros naze, quoi. Alors qu'il y a encore quelques années, avoir une voiture d'occasion, c'était quand même vraiment le loser, quoi. Donc, ça commence à évoluer, mais ça évolue aussi avec des gens qui vont, quoi. Voilà, qui risquent peut-être de se faire foutre ficher d'eux au début, mais qui après sont en train de créer quelques graines du nouveau récit global. Donc c'est voilà, c'est des choses petit à petit qu'on monte. Justement, comment on fait quand on est un utopiste parmi des personnes qui ne se sentent pas concernées ou qui sont voire Ouais. même être agressives? Donc là, tu viens d'y répondre parfaitement. On doit trouver ses pairs. Oui, il y a ça, mais pour les trouver, parce que c'est pas si simple. Il y a un truc qui est un peu être intéressant. En fait, moi, je dis souvent, parce qu'en fait, j'ai beaucoup travaillé sur le lien entre l'engagement et l'accomplissement personnel, et ça va avec, en fait. On peut s'épuiser par l'engagement, mais on peut surtout s'accomplir par l'engagement si on le fait bien. Et très souvent, on a besoin d'aller dans des endroits où on ne nous connaît pas. Moi, je crois beaucoup à ça. C'est-à-dire, je crois que la meilleure version de nous-mêmes émerge dans des endroits on se débarrasse de notre identité qu'on s'est construite. On se débarrasse peut-être on s'affranchit peut-être de nos relations, qui sont des gens qu'on peut aimer, mais qui ne nous font pas du bien, parfois. Donc ça, c'est assez important, et c'est intéressant de le faire via un projet. Parce que voilà, les idées, c'est bien beau, mais ça crée rien. Et ça peut être, moi je parle souvent de l'atelier de réparation, j'ai initié, co-initié un atelier pour réparer des objets. Il y a 7-8 ans, quand j'écrivais mon premier livre, justement, il y a un des points clés de l'utopie mode d'emploi qui était donner des occasions de faire plutôt que donner des leçons. Je me suis dit, bah vas-y, fais-le. Et donc j'ai mis la photo de mon grille-pain sur un samedi matin sur Facebook. Ouais, Facebook. J'essaie de m'en aller, mais bon, c'est difficile. Et là, en fait, j'ai trouvé des alliés. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont venus, que je ne connaissais pas, et on s'est retrouvés avec trois filles. Et on a commencé à monter ce truc-là. Et ça te donne confiance, ça commence à te trouver tes alliés. Tu te rends compte aussi de ton style. C'est-à-dire que dans l'atelier de réparation, par exemple, il y avait notamment une personne qui voulait que ce soit hyper nickel, qu'on le fasse tous les mois, voilà, pour que les gens qui aient un problème, par exemple sur un vélo, reviennent le mois d'après avec la pièce qui manquait. Voilà. En toute logique, elle a raison. Mais l'utopie, c'est justement la différence entre l'utopie et toutes les normes et tout ça, là, et tous les process, c'est que c'est pragmatique, opportuniste. C'est-à-dire que ben, là, on s'est dit, OK, ouais, sur le papier, oui, parce que c'est la deuxième valeur aussi de l'utopie, c'est l'imperfection. C'est-à-dire que rien n'est parfait. Enfin, il n'y a pas de pureté. Et il faut sortir de la tyrannie, de la pureté, de la cohérence. Parce qu'effectivement, la cohérence, ça serait de le faire tous les mois. Nous, ce qu'on voulait faire, c'est un truc imparfait. Pourquoi? Parce qu'on n'avait pas le temps. Et donc, il y a quelqu'un qui a dit à un moment donné, mais vous aurez le temps, vous, tous les mois? Ben non, ben là, on ne va pas le faire. Si on veut faire quelque chose, ça sera quelque chose d'imparfait. Si on veut faire quelque chose de parfait, dans 2 mois, c'est terminé. Et donc cette femme est partie. Elle est allée dans un autre truc, elle a trouvé ses alliés à elle, qui étaient comme elle, qui étaient hyper, voilà. Et nous, on est restés entre nous, en fait, des gens qui, effectivement, on ne dit pas qu'on a le truc parfait. Et elle a monté un autre atelier de réparation, et c'est très bien, il en faut plein en fait. Mais on a trouvé en fait le fonctionnement qui fait que on s'autorise à le faire. Et ça, c'est un truc très important. Et d'ailleurs, ce mot d'imperfection, je l'ai trouvé grâce à mes copines. Parce que quand j'ai voulu monter l'atelier de réparation, j'aurais dit, mais par contre, je sors mon premier livre, je ne suis pas sûre que j'aurai beaucoup de temps. Et elles m'ont dit, oh là là, on se détend, hein. Elles m'ont dit, le premier, il ne sera peut-être pas parfait, puis on n'en fera peut-être même pas de deuxième. Et en fait, ce truc-là est super important parce que je me suis dit, ben voilà, je vais m'engager parce que c'est pas engageant, parce qu'elle m'autorise à ne pas être parfaite. Et ça, c'est extrêmement important. C'est-à-dire qu'il faut trouver aussi ce niveau-là. C'est-à-dire qu'il faut faire attention dans les projets où il y a des gens qui sont tellement engagés qui désengagent les autres. C'est-à-dire qu'ils sont tellement à fond que toi, tu culpabilises de paillettes. Donc, il y a un moment donné, tu y vas même plus. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est justement d'autoriser chacun à bah, peut-être parfois ne pas venir pendant un mois parce que tu as quelque chose d'important à faire. et de laisser la porte ouverte, ce qui fait que tu retournes sans raser les murs, quoi. Et donc, ben voilà. Et en fait, on a besoin de plein de personnes imparfaites pour faire quelque chose. Ça n'existe pas, les gens qui, tu vois, ils finissent par virer tous les autres autour d'eux, quoi. Franchement, depuis le temps que je creuse, je n'ai jamais rencontré personne de parfait, donc peu Ah importe. ben non. Ah ben Luther King était profondément imparfait, Mandela, la mère Teresa. Nous guide, ça devient une boussole qui nous pousse à aller faire des rencontres, aller voir des gens différents, aller essayer des choses nouvelles. Et ça rejoint un peu, il y a une question qui nous vient comme ça, qui dit, bah oui, mais vraiment, moi, dans mon entourage, ça marche pas. Est-ce que je dois mener une vie parallèle? Non, l'idée, c'est vraiment de dire au contraire, je vais aller créer des nouveaux cercles, me renforcer, et puis pourquoi pas ensuite avoir de nouveaux prétextes, une nouvelle énergie, des nouveaux mots pour tendre des perches. Moi, je les appelle comme ça, les perches d'expérience irréversible d'éco-citoyenneté. C'est des choses qu'on n'est pas forcément obligé de labelliser comme étant quelque chose d'éco-citoyen. Non, ouais. Mais en fait, Ouais. bien d'avoir le nouveau meilleur kebab de France en bas de chez moi, et ben ça tombe bien, ils ont aussi une super offre vegan et ça sera juste délicieux. On n'aura pas besoin de dire, regarde, c'est vegan et t'as mangé de la nourriture vegan, donc désormais t'es vegan. Non, c'est juste délicieux. Ça marche pour les falafels, ça marche pour les tartes aux poireaux ou au fromage. Bref, je rebondis sur Wow. quelque chose d'autre parce que là, je te sens parti dans un truc et j'aimerais te Me parler. ramener? En fait, pour moi, arrive pas à se départir de ce cliché de penser que être utopiste, ça a un coût. Alors qu'en fait, c'est ne pas vraiment s'écouter qui est le plus douloureux. Et donc, ma question, Ah c'est comment, en fait, on arrive à être entre, ben voilà, cette idée de transformer le monde, alors qu'en fait, transformer le monde, transformer ce qui est autour de soi, c'est justement être le plus soi-même possible. Et donc, c'est le plus douloureux, c'est de continuer à jouer ce jeu que tout le monde joue sans vouloir jouer. Exactement. Ça, c'est un truc que j'ai vachement travaillé justement sur le lien entre l'engagement et l'accomplissement personnel. On dit souvent il faut se changer pour changer le monde, et moi, je crois pas. Je crois qu'il faut être le plus soi possible. C'est-à-dire que on se met des injonctions, des machins de, voilà, de développement personnel sur développement personnel, etc., etc. Et moi aussi, hein, j'en fais. Mais il y a un moment donné où tu vois la personne pas parfaite que tu es, en fait. Donc ça repousse toujours. Et je t'assure que c'est pour ça que c'est intéressant les endroits où on ne te connaît pas, c'est que tu mets en suspens tous ces trucs que tu as empilés. Et là, tout d'un coup, émerge qui tu es vraiment. Par exemple, pour reprendre cette histoire d'atelier de réparation, moi, je me suis rendu compte qu'en fait, j'allais pas être la fille qui allait faire l'ordre du jour et tous les machins et tous les trucs. Je me suis rendu compte que moi, ce que j'adore, c'est déconner avec les réparateurs, alors leur chercher un café et trouver les endroits. Parce que c'est vrai que j'aime bien aller dans des endroits où on ne nous attend pas, faire des connexions avec des publics différents. Et donc, je me suis rendu compte, ah bah ouais, c'est ça. Sauf que moi, depuis des années, mon métier ne me disait pas ça. Et j'étais en train de tordre les qualités que je peux apporter à un groupe et qui me font du bien. Et ça, c'est important, c'est que du coup, d'aller dans ces projets, j'appelle ça les tiers-projets, qui ne sont pas engageants, eh bien, du coup, tu te redécouvres, en fait. Parce que comme c'est pas engageant, effectivement, si tu fais un truc avec tes amis ou t'as un peu à perdre quand même. Quand tu fais avec des gens que tu connais pas, tu t'en fous, en fait. Et du coup, t'es toi-même, tu vois? Et moi, j'avais pas du tout envie de faire les heures du jour, je m'en tapais depuis des années, et en fait, je me rendais compte que c'est pas ça qui m'éclate, et que finalement, j'étais une créative, et qu'il fallait que je... Voilà. Et chacun... Et c'est ça qui est chouette, c'est qu'en fait, du coup, tu développes, comment dire, ce que tu peux apporter au groupe. Et ça, c'est bien. Et par rapport au côté coût, là, tu disais, c'était un coût émotionnel, hein, c'est ça? Oui, c'est ça. C'est-à-dire... En fait, creuser justement ces questions d'utopie, donc être la plus pure expression de soi dans l'idée reçue, c'est quelque chose qui va nous coûter, c'est quelque chose qui va être difficile. C'est quand même fou qu'on en soit arrivé à ce point-là. Et de Bah penser, oui. c'est de continuer à jouer le jeu de cette société qui crée des divorces en pagaille, des burn-out, bore-out, des dépressions, des maladies dont on meurt pour des raisons qui sont quand même assez folles et de ne pas reconnaître ce coup à continuer à jouer ce jeu qui ne nous nourrit pas. En fait, ce qui est assez étonnant, c'est que une fois que j'ai compris que c'était l'utopie qui allait changer le monde, je me suis dit, ben, il faut que je comprenne qui sont ces utopistes. Donc, c'est trop souvent des désobéissants, les résistances, c'est la désobéissance, etc. Et du coup, je me suis dit, bon, ben, ok, qui sont ces gens qui arrivent à passer outre, effectivement, ce qu'on pense d'eux, parce que c'est ça qui est coûteux. Hein. C'est quand même pas facile, hein, de se faire traiter de bisounours ou de Khmer vert, enfin des trucs, mais tu te dis, oh là, les gars, je veux juste un monde meilleur, qu'on se calme. Donc ça crée de la violence parce que c'est typique, hein, il faut tuer le messager parce que le message est trop dur à entendre pour ceux qui n'en sont pas encore là, qui sont pas capables de le traverser. Et c'est compréhensible, hein, donc voilà, donc ça arrive tout le temps, donc c'est quand même assez difficile. Et donc j'ai étudié quelque chose qui est la soumission à l'autorité et à la résignation. Parce qu'en fait, c'est ce qui différencie les gens qui sont des utopistes, c'est qu'ils ne se résignent pas, en fait, et ils ne se soumettent pas aux autorités. Alors, ça peut être l'autorité descendante, comme les ordres, etc., les lois, mais c'est aussi ne pas se soumettre au conformisme et à la loi de la majorité. Et ça, c'est quelque chose de particulier. Et quand j'ai étudié ça, je me suis rendu compte que les psys qui travaillaient sur le burn-out étudiaient aussi ces expériences-là de soumission à l'autorité. Parce que c'est extrêmement lié. Quand tu fais un burn-out, c'est qu'en fait, tu te conformes à quelque chose qui n'est pas toi. Donc, t'imagines, se conformer, c'est changer sa forme. C'est hyper douloureux. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'on ne change pas sa forme impunément, en fait. Tu peux pas renier tes utopies, renier tes valeurs. Tu peux pas le mettre sous le tapis à un moment donné où ça te revient à la figure. Donc ça s'appelle le burn-out, ça s'appelle la dépression, ça s'appelle le fait que tu n'as plus le goût à rien. Enfin, je veux dire, les psys te disent aussi que l'absence de désir, c'est ça la dépression. Donc, si tu n'as plus de désir pour demain, si tu vois, tu traverses la vie au fond de la cale, il y a un moment donné où c'est pas possible en fait. On n'est pas fait pour ça. C'est ce que dit Spinoza, notre puissance d'être, ce qui fait qu'on se projette en avant, c'est le désir. Donc c'est jamais anodin. On pense, et c'est là que c'est intéressant, les désobéissants. C'est-à-dire que les gens qui, dans leur majorité, acceptent, par exemple, de suivre les ordres nazis, ou ceux qui acceptent de suivre des expériences scientifiques terribles, ils pensent qu'a priori, c'est le choix le plus confortable, parce que ce dont ils ont peur, c'est du suicide social. C'est ça, c'est pour ça qu'on se conforme tous. Hein. Et même moi, à un certain niveau, à tout un tas de niveaux, je me conforme aussi, hein, parce que de temps en temps, tu as envie d'être tranquille, en fait. Tu ne peux pas te battre sur tout. Mais en fait, ce que tu fais, quand c'est vraiment quelque chose qui te tient à cœur, c'est un suicide existentiel. Et ça, tu t'en remets jamais. Tu peux changer d'amis, tu peux changer de milieu, tu peux changer. Par contre, changer ta nature profonde, c'est pas possible. C'est justement, c'est ce que font les gens qui vont en burn-out. Et moi, je pense que j'ai une chance dans la vie, c'est probablement ce caractère utopiste, j'imagine, mais c'est que j'ai un fort instinct de survie. C'est-à-dire que très vite, je me suis dit, mais ça, c'est pas possible. Et quelque part, ça nous protège. C'est-à-dire que du coup, on ne rentre pas. Moi, j'ai arrêté, voilà, j'ai quitté Paris il y a des années, j'ai quitté mon métier de publicitaire en 2001, très tôt. Parce que voilà, j'avais un instinct très vite. Si j'avais mis sous le tapis si je n'avais pas écouté mon intuition qui me disait, mais qu'est-ce que tu fais là en fait comme métier? Tu es juste en train d'imaginer des désirs obsolescents pour des gens, tu vas leur créer des frustrations. Enfin, voilà. Alors évidemment, hein, tu as le rationnel qui dit, qu'est-ce que tu vas faire d'autre? Mais si tu sors, ça ne changera rien. Mais bien sûr que ça ne changera rien. Mais les résistants pendant la guerre, c'est pareil, hein, ils sortaient, ils savaient bien qu'ils étaient tout seuls, ils n'étaient pas grands. Mais sauf que c'est plus fort qu'eux. Et en fait, c'est ça qui te sauve. C'est de suivre cette petite voix qui te dit, c'est pas possible. Tu peux pas continuer comme ça. Au début, tu sais pas trop ce que tu vas en faire, hein, évidemment, sinon ce serait trop simple. Mais tu sais que ce n'est plus possible. Voilà. Et c'est le début de quelque chose. Et ce que je veux dire aussi par rapport à ça, c'est que le jour où tu sais que ce n'est plus possible, c'est que déjà, tu as deux, trois idées. C'est-à-dire qu'avant, parce que tout le monde sait, hein, tout le monde le sait, hein. Je veux dire, les rapports du GIEC, ça y est, maintenant, ça va, quoi. Simplement, on ne veut pas croire ce que l'on sait. Et ça, il faut avoir beaucoup de bienveillance vis-à-vis de soi-même et vis-à-vis des autres. C'est que simplement, on n'est pas encore prêt parce qu'on n'a pas encore la solution. Donc moi, quand j'ai décidé que j'arrêtais la pub, en fait, quelque part, je ne m'en suis pas rendu compte, hein. Je l'ai rationalisé après. Mais j'avais déjà lu tout un tas de choses et j'avais vu un truc qui s'appelait développement durable et que j'allais aller vers ça. Mais je ne m'en suis pas rendu compte tout de suite, en fait. Mais simplement, après, comme par hasard, j'ai commencé à regarder des trucs de l'ADEME, de machin. Donc voilà. En fait, notre cerveau nous protège. C'est ce qu'on appelle la dissonance cognitive pendant longtemps. Pendant très longtemps, moi, je me disais, mais pourquoi mes copains, ils aiment autant leurs enfants que moi, j'aime les miens? Et pourtant, ils n'en ont rien à foutre de l'écologie. Donc, ils n'en ont rien à faire de foutre en l'air leur avenir. Mais ça, c'était ma vision. Parce que moi, j'étais déjà passée de l'autre côté. J'étais déjà dans l'action. Donc, j'avais déjà une pseudo-maîtrise, hein, sur ce monde. Et en fait, c'est pas possible. Tu ne peux pas te dire, tu ne peux pas avoir un mode de vie conscient en te disant consciemment, je fous en l'air l'avenir de mes enfants. C'est impossible. Donc, ton cerveau te protège. Tu es dans le déni. Et c'est voilà. Et on y est tous à des niveaux différents. Certains le sont sur les réfugiés, d'autres le sont sur la cause animale. Voilà, on a des niveaux et c'est pour ça qu'il faut vraiment être bienveillant avec chacun et lui laisser l'espace pour évoluer. Et donc il y a un moment donné où on a besoin d'être avec ceux qui ont déjà évolué pour faire avancer des choses et laisser chacun faire son propre chemin, quoi. Ce que j'ai découvert dans mon expérience, c'est que au début, je pointais souvent du doigt, trop souvent et énormément du doigt les incohérences de mes proches. Et en fait, le jour où j'ai arrêté d'essayer d'échanger et je me suis moi-même à essayer de m'écouter plus et à porter non pas cette perfection, mais une exemplarité qui me poussait à rayonner plus fort. Bah en fait, là, je les ai jamais autant changés et ça a été assez extraordinaire. Alors, j'aimerais, pour les 5-10 minutes qui nous restent, Sandrine, te proposer un voyage en 2030 glorieuse, là, comme ça, complètement à l'improviste. Et en même temps, je sais que toi, tu es rompu à cet exercice de te projeter dans le futur. Mais je ne sais pas si tu l'as déjà fait tant que ça pour toi, vraiment. Et en 2030 glorieuse, par exemple, tu vois, moi, l'une des utopies que je caresse, que j'affectionne, c'est de dire que je travaillerai sans doute 3, maximum 4 jours par semaine. Et je te dirais, j'ai commencé déjà, je te l'avoue, mais je voudrais dédier vraiment une journée de mon temps par semaine à ce que j'appelle dans ma tête un service éco-volontaire. À l'époque, il y avait les services militaires. Là, je nous vois bien avec un service éco-volontaire où je participerai dans ma ville à débétoniser toutes les anciennes places de parking qui ne servent plus à rien puisque la voiture a été bannie des villes et à revégétaliser autant que je peux avec mon fils qui, lui, en plus, n'aura pas école ce jour-là et que ça nous permette de créer du lien, que ça nous permette aussi de rencontrer des générations différentes, des personnes différentes. Moi, ça fait partie de ces utopies que j'ai et de ces images que j'ai quand je pense aux 2030 Glorieuses. Toi, tu fais quoi en 2030 Glorieuses? Alors moi j'ai eu la chance, c'est pour ça que j'ai écrit un roman, ça m'a permis de me vider la tête parce que j'en ai plein et j'ai encore un tiroir hein, de plein de trucs que je pourrais faire, que Ouvre-nous ton j'aurais envie de tiroir. faire. Mais moi en 2030, j'ai imaginé, il y a un truc auquel je crois beaucoup qui est la semaine du Grand Bazar. Moi en 2030, je participe à la semaine du Grand Bazar qui est une semaine pendant l'année pendant laquelle tout le monde fait ce qu'il fait d'habitude, mais tout le monde ensemble. C'est-à-dire qu'il y en a qui collent des stickers sur les banques pour dire évasion fiscale. Il y en a qui font du piratage des places publiques en dansant. Il y en a qui laissent tous les packagings dans les supermarchés. Il y en a voilà, qui font comme toi. Il y en a qui occupent les places de parking. D'autres qui décident de greffer des arbres voilà, pour qu'ils aient à nouveau des fruits. Plein de choses en fait, et qu'on se rende compte lors de cette semaine à quel point nous sommes nombreux en fait. Et ça, c'est intéressant parce qu'on ne se rend pas compte à quel point tout le monde fait des choses. Tu vois, les femmes arrêteraient de travailler à 15 heures parce qu'à partir de ce moment-là, elles ne sont plus payées au même niveau que les hommes. Enfin, là, et tout le monde. Et là, tu te dirais, waouh, mais en fait, il y a un monde qui est déjà en mouvement, quoi. Et moi, je rêve de cette semaine-là, en fait, qui est la semaine des utopistes, peut-être, mais en tout cas, voilà. Est-ce que tu en as d'autres comme ça? Oh, j'en ai plein. J'en ai plein. On est en caravane de décolonisation, c'est-à-dire qu'on se retrouve le soir et il y a des gens qui racontent un peu ce que d'autres. Donc on se retrouve sur des places et il y a une caravane qui vient en fait, qu'on appelle de décolonisation, qui raconte en fait comment certains pays ont mis en place des petites choses et puis en fait on se raconte les uns les autres comment on a changé nos vies. Et voilà, et on se découvre les uns les autres comment, je sais pas moi, un architecte a mis du braille sur tous les bâtiments qu'il fait pour que les villes deviennent visibles en fait, lisibles aux aveugles. Ouais, il y a plein de. Et moi je rêve de ça, de ces grandes places de village où on se retrouve pour partager en fait. Toute la richesse des humains, quoi. En 2030 Glorieuse, je vivrais dans un habitat partagé où on aurait prévu un logement, un espace pour accueillir des personnes justement qui sont sans toit parce qu'ils sont vulnérables économiquement, dans une situation difficile ou parce que ce sont des migrants climatiques hein, qu'on va devoir accueillir. plus. Et ça serait quelque chose d'assez génial dans le sens où derrière, ça nous donnerait des rendez-vous assez extraordinaires, je pensais, dépaysants, sans bouger de chez nous, puisque toutes les personnes qu'on accueillerait, elles pourraient nous permettre, ben voilà, par leur expérience culinaire souvent, de assez génial, et ça va un peu dans le sens de ce que j'avais découvert avec la cloche qui fait comme ça des repas, mais cette fois organisés par les personnes de la rue. Et c'est des toupes où en fait on se retrouve dans un quartier ou des bazars, comme tu le dis, et ça inverse largement en fait la manière de voir l'entraide et la solidarité. C'est assez enthousiasmant comme moment. Mais en fait, dans les délits, je les appelle les early adopteurs, les réfugiés climatiques, parce qu'en fait, eux, ils ont déjà vu la résilience qui était nécessaire. Et en fait, c'est eux qui viennent nous expliquer comment vivre de manière plus frugale, comment vivre avec des températures qui se réchauffent, comment se recréer un métier, parce que tout aura changé. Et en fait, on ne les appelle pas d'ailleurs les réfugiés, on les appelle les accueillis. Et c'est là où on partage des choses, parce que c'est eux qui connaissent la résilience. J'ai imaginé aussi en 2030 qu'on puisse, tu vois, en fait, chaque bâtiment est tournant, c'est-à-dire que dans la journée, effectivement, il y a des bureaux, et puis à partir de 18 h, ben, ça devient la maison. Et donc, il n'y a plus de SDF, puisque en fait, il y a largement la possibilité de vivre. Et donc, on est sur des mobiliers beaucoup plus légers, on ressort les tatamis, et voilà quoi. Donc, c'est un monde où il y a beaucoup plus de liens, finalement. Et c'est un monde assez apaisant, parce que moi, ce que je trouve, moi, je crois qu'en 2030, on est assez apaisé, quoi. On n'a plus la même notion du temps, on n'est pas sur les mêmes logiques, quoi. Je savais que cette conversation allait être géniale, Sandrine. Elle a largement dépassé toutes mes espérances. Laissez la parole sur une dernière chose que tu avais envie de nous partager sur les utopies avant qu'on clôture. Est-ce qu'il y a peut-être une action? Alors, tu nous as déjà donné beaucoup de conseils, de recommandations, de tuyaux, hein, comme tu les appelles, et de par ton expérience que tu nous as partagée, il y a tout un tas de choses qu'on a vues. Est-ce qu'il y a, voilà, un dernier cadeau avec lequel tu aimerais qu'on reparte ce soir? Moi, je crois qu'il y a un truc qui est très important. Je me suis rendu compte qu'en fait, un utopiste, c'est quelqu'un qui avait de la prétention. En fait, c'est quelqu'un qui a de la prétention sur qui pourrait être et sur ce que pourrait être le monde. Et je pense que ça, c'est important, en fait, c'est qu'il faut qu'on arrête de s'excuser, quoi. Et qu'on arrête d'aller chercher des coups et qu'on le fasse à des endroits qui nous font du bien. Et ça, c'est super important, parce que le militantisme sacrificiel, ça n'a jamais donné envie à personne. Et en même temps, ne jetons pas la pierre à ceux qui sont partis depuis très longtemps et qui sont fatigués, parce que sans eux, on n'en serait pas là non plus aujourd'hui. On n'aurait pas de graines de semences libres, on n'aurait pas. Voilà. Donc c'est hyper important, et moi j'essaye beaucoup de militer pour ça, de réconcilier les différentes formes d'activisme, quoi. En se respectant, on ne pourra pas, comment dire, on peut pas être. Je crois pas qu'on puisse être unis sous une même bannière. Ça, j'y crois pas. Je pense que vraiment, il y a cet élan, il est singulier, il est profond, et c'est pour ça qu'on le fait. Par contre, j'appelle à un peu de bienveillance envers, voilà, chacun, quoi. On fait avec ce qu'on peut déjà, avec qui on est, et puis quand on. Voilà, tout est important, quoi. S'enchaîner à des banques, faire de l'activisme poétique, tout est important, en fait. On fait des trous dans la coque, voilà. Oui, bien sûr. Du vieux monde, et pour que l'autre ado, là, il puisse avoir un petit peu de place, quoi. Pour s'épanouir. Merci d'avoir pris le temps de voyager en 2030 glorieuse avec nous. Vos commentaires et suggestions sont les bienvenus et abonnez-vous à ce podcast pour être sûr de ne pas rater les prochains épisodes. Moi, je vous dis à très vite pour découvrir ensemble d'autres utopies réalistes et je vous donne rendez-vous sur ça commence par moi.org pour construire ensemble un monde meilleur dès aujourd'hui. Salut!